la micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Monsieur Hannibal me mine le moral. Calibac, mamselle son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète, mamselle Gibi nous traite d'abruté. Cacahibi, l'ami Ouchou me jette des cailloux. Cacahuète, mamselle Binet, c'est de Binet. Cacahibinet, le petit Mambert me jette des pierres. La marre de moi en a marre. La micaouette me fait la tête. Mamselle Ramba ne veut plus que je la voie. Kawamba, monsieur Nasson me donne du bâton. Nasson, mamselle Nasucre me traite de trou du cul. Bonjour, je m'appelle Juliana, on est bien dans l'émission des ados. Nouvelle émission. Oui. On est le 16. On est le 16. Le 16 quoi? Le 16 janvier 2019. Julien, merci Juliana. Je crois le micro de Camille est pas allumé pour qu'il y ait un câble qui est débranché. Ouais, bon. T'as pas besoin de casque. Non, ça c'est pas le casque. C'est quoi ça? C'est bon. Il y a un câble débranché, alors ça te chagrine? Pas si c'est vraiment le casque, mais... Bon. Si, c'est le casque, ça. Ah, le casque. Ouais. Bon, alors, tout le monde va bien? Oui. Voilà, on réglait des problèmes techniques, là, d'entrée. Oui. Alors, qui est là aujourd'hui? Moi. C'est qui, moi? Christopher. Avec le sourire. On fait sourire quand on ne voit pas la technique. Ah, quand on ne voit pas la technique, on ne peut pas sourire. Alors ça, c'est nouveau. Par contre, celui qui a la technique, là, il rigole bien, tu vois. Alors, à qui est à côté de toi? Bonjour, je m'appelle Camille. Bonjour, je m'appelle Steven. Oui, ensuite? Bonjour, je m'appelle Timothée. Oui. Et alors, en technique, nous avons... Dédé. Tu parles dans le micro? Zinedine, voilà. Tu es avec qui, Zinedine? Marc, bien, oh là là, les efforts. Et il y a un autre monsieur, là, derrière toi. Oui. On le connaît pas? Non. Est-ce que tu sais comment il s'appelle? Tu peux peut-être le regarder, lui demander. Qu'est-ce que c'est? Christopher. Ah, donc oh, nous avons donc deux Christopher. Nous avons un petit et un grand Christopher. Regarde, il est gêné. Alors Christopher, il bougonne aujourd'hui parce qu'il voulait aller direct en technique. Et on a dit non, aujourd'hui ce sera Zinedine parce que depuis le début de l'année, il n'y a encore pas été.

De rêver. Hein? Comme tu es un grand rêveur, hein? Rêver toute la journée. Mais il faut agir aussi des fois. Alors est-ce que tu as des propositions? Timothée? Je sais pas. Tu sais pas. Steven, est-ce que tu aurais des propositions toi à faire? Faire des rameaux. C'est plus. Juliana, elle a dit pour que ce soit moins cher. Et Camille? Christopher? Bah, moi je dirais c'est que tout va bien alors. Hein, ça n'a pas l'air de trop. Je sais, j'ai une idée. Oui. On lui fait une lettre pour lui demander s'il peut baisser les prix. Alors les prix sur quoi, Juliana? Sur l'essence? Sur l'essence. Sur tout quoi? Oui. Et qu'ils viennent aussi à la radio? Sur les travail aussi. Qui réduisent le prix du travail? Non, qui remontent plus le prix du travail. Comme ouais, ça, qui mettent 1000 euros sur le travail. Comme ça, ils payent plus les gens qui travaillent. Timothée, tu trouves que les gens, ils sont trop payés? Les gens qui travaillent? Oui. Oui? Laissez-le parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te fait dire que les gens, ils sont trop payés? Bah, ça veut dire qu'il y a plein de pognon, ça. Il y a plein de pognon. Oui. Une belle pognon. Les gens qui travaillent, ils ont trop de pognon, quoi. Hein? Oui. Prends sur les riches. Ah, faut prendre sur les riches, puis alors? Oui. Et puis donner à qui? Aux pauvres. Aux pauvres. Ouais. Aux pauvres, hein. Et arrêtez de prendre les migrants. Oui. Ça, c'est tes idées. Eh, j'ai vu ça au débat national. Ils peuvent envoyer les migrants dans leur pays. Parce que, vu qu'ils sont là, nous, on n'a plus de travail et de maison. Il n'y a plus de maison. Oui. Ah, ils t'ont pris ta maison, toi. Oui. Ah oui. Non. Ah non. Ah non. C'est au débat national, ça. Timothée, alors continue voir un peu. Donc, il y a trop de pognon. Il est où, le pognon? Ben... Est-ce que chez toi, par exemple, tes parents, ils se plaignent d'avoir trop de pognon? Non. Ah, ben non. Alors, tu vois. Et tes parents, ils travaillent? Oui. Donc, est-ce que tu aimerais... Est-ce que, tu crois, aimerais que leur salaire baisse? Qu'ils en gagnent moins? Ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Faut mettre plus de sous. Qui donne plus de sous pour être plus payé. Comme ça, on serait riche. Ouais, il faut remettre des chefs. Pour mettre des chefs, où? Dans les bureaux. Bah, il y en a des chefs dans les bureaux. Non, mais c'est non, remettre des chefs, là, qu'on prend sur les riches, on donne aux pauvres, là, les chefs, au débat national. Voilà, et puis comme ça, on essaiera de donner aux pauvres. Mais Macron, il a dit non à ça. Il a dit non à quoi, Emmanuel? L'ISF. Ah, l'ISF. Il a dit non à quoi, alors? Ce qu'il a dit, ça fera du travail. Ça fera du travail. Parce que les riches, ils donnent du travail. Alors. Vous savez, c'est quoi, l'ISF? Oui, on construit les riches et on donne aux pauvres. C'est l'impôt sur la fortune? Ouais. Oui. Donc, lui, il a dit non. Ça donne du travail. Ça donne du travail. Il pense que les riches réinjectent leur argent dans l'économie. Oui. Et ça peut procurer du travail. Ah ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, du coup, il faut remettre l'ISF. Toi, tu dis il faut remettre l'ISF. Ah oui, comme ça, c'est toujours... quoi l'ISF? L'impôt sur la fortune. Tu prends ceux qui ont plus d'argent et tu donnes aux pauvres. Ah oui, on pourrait faire ça, comme ça les... dans toute la France, on collecte des fonds pour les pauvres et on leur donne. Ce serait bien, Corinne. Faire des collectes, alors. Ouais, on tape devant les portes, donnez-nous un peu de sous. Pour les pauvres. Sous. On a mis du sous. Bon, non. Alors c'est bon, là, pour le débat national. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez dit encore? Le ski. Non, les infos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, le bonne soeur, non? Ah, la cagnotte, c'est vrai, j'avais dit ça. Boxeur, la cagnotte. Il y avait un gilet jaune qui a baissé sa culotte. Oh, bah alors là, on mélange un peu tout, là. Attendez, on va déjà rester au boxeur. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé, là, au boxeur? Ah, il a tapé dans les... CRS. Dans les CRS. Il a frappé un CRS? Deux CRS. Deux? Ah, attends. Oui? Oui, des poupouilles, des tirs. Il a tapé, c'est ça que tu dis? Oui, des tirs, des poupouilles. Oui, c'est du coup, des bons. Des tirs, des poupouilles. Oui. J'ai pas tout compris, Zinedine. Il faut que tu essayes d'articuler quand même. Et il est bon. La boxe? Non, c'est beau de casser maison. Casser maison? Le boxeur, il a cassé une maison. Zinedine, Zinedine, on parlait du boxeur là. Oui. Alors le boxeur, il a cassé une maison. Peut-être pas quand même. Ah, non. Et il reprend du désert, il fait boum. Alors, est-ce qu'on peut continuer avec le boxeur? Oui. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit. Si, elle est cassée. Zinedine, on coupe pas la parole là, sans arrêt parce qu'on s'en sortira pas. Christopher. La cagnotte. Oui, alors il y a une cagnotte, pourquoi? Pour le boxeur, pour les frais de justice, tout ça, pour l'avocat, tout ça. Ouais. Oui, sur les réseaux sociaux, il y avait une demande de cagnotte pour financer les frais de justice du boxeur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? La cagnotte, là, qui a été... C'est bien, c'est gentil. Oui, c'est bien, comme ça. Comme ça, il est puni quand même, il doit payer. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il y ait une cagnotte qui soit faite pour financer les frais de justice? Oui, il mérite. Ah, il mérite. Est-ce qu'il avait fait une vidéo, je crois? Vu qu'il a fait une très grosse bêtise, hein. Ah, il a même fait une vidéo, je crois. Une très grosse bêtise de taper sur quelqu'un. Ah, bah ça, c'est une grosse bêtise. Il s'est même rendu. Et donc, il mérite une cagnotte. Donc, il est remercié, quoi. Non, mais. Ah, bon. Pour, explique, parce que là, c'est confus. Hein. Il a mérité d'être puni avec la cagnotte, qui donne des sous au CRS. Oui, mais c'est les gens qui vont donner de l'argent pour alimenter la cagnotte. Et sinon, il ne mérite pas. Hein. Non, il mérite pas, vu qu'est-ce qu'il a fait. Là, c'est les gilets jaunes qui ont vu une cagnotte. C'est les gilets jaunes qui vont faire la cagnotte? Oui, c'est les gilets jaunes. Oui, tu crois? Oui, mais là, elle a retiré la cagnotte, je crois. Oui, oui. Oui, Zinedine. Oui, des poupouilles. Oui, des cassés. Des cassés-moutons. Cassés-moutons. Ah oui, alors Zinedine, il parle des gilets jaunes. Là. Oui, des cassés des wawas. Et des gilets. Elle est cassée, maman, oui. Je sais, Corinne, un truc. Elle est beau, Jules. Elle est beau. Et puis, elle a la gestuelle avec. Hein. Heureusement, remarque qu'elle a la gestuelle, Zinedine. Oui, parce que elle est beau. Ça aide. Hein. Elle est beau, ça. Ah oui, elle a cassé ça. Oui, il a cassé ça. Oui. Oui. Tu parles des gilets jaunes, là? Oui. Oui. Oui, elle a cassé le camion aussi. Oui. Casser camion. Casser un camion? Oui. De casser des oiseaux de que ce sont. Oui, ils ont cassé beaucoup de choses. Oui. Mais après, je vous avais déjà dit dans une précédente émission qu'il ne faut pas confondre gilets jaunes et casseurs. Les siens sont souvent à la télé. Non, mais voilà, c'est bien de le rappeler quand même. Oui. T'as aussi la boulangerie qui a brûlé, là. Alors, ça, est-ce que ça a à voir avec les gilets jaunes? Non. C'est un autre sujet. Alors, est-ce que vous avez fini avec le boxeur? Oui. Ok, alors Steven lance un autre sujet. Vas-y. La boulangerie qui a brûlé. Voilà. Alors, c'était quand, ça? Je crois que c'est samedi, ça. Ils ont mis des croquis-explosions, là. Je crois. Ah, non, c'était pas un attentat, hein. Ah. Attention, tu vois, hein. T'as vu, c'était un attentat. Il n'y avait pas d'explosif dans la boulangerie. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion? Le gaz. Mmh. Et ça fait... Oui. Et alors? Deux morts, deux pompiers. Et ça a battu... Il y a que deux morts? Ouais, deux pompiers, je crois. Il n'y a que deux pompiers. Et je crois... Alors, ceux qui ont bien écouté les infos, est-ce qu'il n'y a eu que deux morts lors de cette explosion? Trois mois, je crois. Timothée. Trois. Je crois qu'il y a deux morts et puis... un survivant. Deux morts et un survivant. Oui. Trois morts. Si, de deux morts, de poupée. Dis. Attends, Zinedine. Dix morts ou quoi? Pas dix morts. Dix morts. J'ai une boulangerie Dimor. Alors, j'ai pas dit qui dit plus, hein. On essaye de savoir. Trois. Non. Quatre. Oui. Oui, quatre morts. Bah oui, c'est sûr, tu montes, alors c'est facile comme ça. Ouais. Donc, il y avait deux pompiers et les deux autres personnes, c'était qui? Des civils. Des gens. Ah bah oui, c'était des gens, mais... Des civils. Ceux qui travaillaient à la boulangerie. Non, il y avait une personne qui habitait là, et l'autre, c'était... Un pompier. Une touriste espagnole. C'est une touriste. C'est qui a le pays. Voilà, c'est une personne qui visitait le pays. Elle est morte. Oui. Oh, et il y a aussi des blessés. Ouais, il y en a eu 100 blessés, je crois. Non. Au lieu de dire n'importe un quoi, six, Christopher, vaut mieux rester. Ah non, plus, j'avais dit... Trois blessés. Un six. Non, c'était 12. 12 blessés. A-t-il une petite explosion? C'était impressionnant. Est-ce que vous avez vu les images au moins? Non, moi j'ai pas vu. Ah bah oui, c'est sûr. Donc c'était pas une petite explosion. Tu monteras à courir. C'était une grosse. Tu as une télévision chez toi? Ils montent pas aux infos. Eh bah si. Non, j'ai pas vu de vidéo sur la... Hein. Oui. Ou alors ta télé, elle a plus d'images. Mais c'est les images. Ah bah apparemment... Ils montent pas les vidéos. Ah ben si, ils ont montré. Quand, sur quelle scène? Ben, le week-end dernier. Ils n'ont pas montré, hein. Est-ce qu'il y en a qui ont vu des images de l'explosion? Moi, non. Non, tu vois? Non. Ah, Zinedine, il a vu. Oui, nous, on n'a pas vu. Ah, oh, oui, ben, ça devait pas être la même chaîne, alors, sûrement, hein? Oui. Mais dis tout. Alors, Zinedine, je crois que là, tu mélanges tout. Oui. Hein? Il est confondu à Marseille. C'est des poupouilles. Si. Corinne? C'est une poupouille. Tu montreras la vidéo à Yime. Voilà, c'est réglé. Oui, j'ai pas spécialement le temps, Christopher. Alors, j'ai du travail, Corinne, à faire. Oui. Oui, quand on fait une autre chose, on va pas aller regarder la télé, hein. C'est juste ton téléphone, mais Marc, explosion. Ah, oui, c'est sûr. Oui. Voilà, c'est réglé. Alors, les autres infos, vous aviez dit quoi? Le ski. Non, les infos. Les terroristes, non? Non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le ski, on avait parlé des zones. Qui c'est qui avait dit que... Je crois que c'est Zinedine qui voulait dire ça. Qu'il y avait un tractopelle qui avait cassé une porte. C'est Zinedine. C'était toi qui avais dit ça? Oui. On avait décodé que tu avais dit ça. Oui. Oui. Tu sais, c'était où? À... Oui, Paris. À Paris, oui. J'ai vu les images. Oui. Ah, ils ont foncé dedans, ils ont fait. Mais tu veux bien laisser parler? C'était lui là. C'est pas Christopher. Vas-y, Zinedine. Le camion, il a cassé ça. Oui, un camion, il a cassé là. Bon. Porte, oui. Du ministère de l'Intérieur. C'est beau. Oui. Ouais, c'était toutes les images. C'était une petite porte ou une grosse porte? Grosse. Ouais, une grosse ou une petite? Grosse ou petite? Petite, voilà. Petite porte. C'est une grosse porte. Une grosse porte, oui. Vous pouvez même rentrer une voiture dedans. Bon, ça, c'était l'info à Zinedine. Et puis, il y avait une autre info. Les gilets jaunes, Juliana en avait reparlé. Et puis la question, c'était pourquoi les mouvements gilets jaunes deviennent violents? Parce que je sais. Alors vous aviez des idées, chacun votre tour. Okay. À part que Macron ne baisse pas les prix. Parce que Macron ne baisse pas les prix. Vas-y Juliana, pourquoi? Pourquoi ça devient violent les samedis quand on voit les images? Enfin, samedi dernier, c'était calme quand même, hein. Oui. C'est à cause des casseurs. C'est à cause des casseurs. Oui, il y a les casseurs aussi. Ceux qui cassent tout ce qu'ils voient. On voit sur les images que les balances les bombes, là, sur CRS. Alors, c'est un mouvement qui dure depuis longtemps. Peut-être qu'ils en ont marre, parce que ça change pas. C'est pour ça qu'ils s'énervent. Ouais, je pense. Ouais, tu penses aussi, hein. Vous avez raison, moi. Alors, on va passer la première chanson qui avait été choisie par Timothée. C'est quoi? Et c'était... Tu peux annoncer? Je sais plus.

chanson de Timothée. Un commentaire, Timothée ? Ben, j'ai dansé. T'as dansé ? Sur ta chaise ? Non. Non ? Où ? J'ai bougé la tête. Mmh. Oui, mais ta chanson, tu as un commentaire à faire ? Bah, c'est bien. Ok. Bon. Eh ben alors, le sujet suivant, c'était quoi ? La neige. La neige. Ouais, la neige est arrivée. La neige est arrivée. Bah, quoi qu'il n'y en a plus beaucoup, là, les gens. Ah, encore la neige à Bruxelles. Voilà, il faut aller dans les hauts. Hein. Okay, bah, faire du ski, du bob. Ah, tu fais du ski ? Non, j'aime pas le ski, je préfère faire du bob. T'aimes pas le ski ? Ouais, non. Moi aussi, je préfère le bob. Ah. Qui le c'est bob, qui c'est... fait du ski, là ? Personne. Moi, et qui fait du bob ? Christophe. Moi, j'aime bien en faire. T'aimes bien. Alors, ski alpin, ski de randonnée, lequel ? Est-ce que tu as descendu déjà les pistes ? Non. Non ? Je suis... On ski était... de fond, alors ? Non, c'est juste, on était à... Irganie, c'était à l'année dernière, quand t'étais pas là, toi. C'était avec Claude, avec le collège, on était faire une sortie. Ah, c'est bien. Et on était se promener avec les skis. Incroyable. Avec le collège de Toli. Oui. Mmh. T'étais bien ? Oui. Ouais. Et sinon, t'aimes bien le ski ou pas ? Oui. Oui. Mais sinon, je n'ai jamais descendu. Ouais. Jamais... Et puis, ça te branche pas ? Je veux bien essayer un jour. Tu as peur ? Un petit peu, mais je voudrais bien essayer. Ouais. Oui. Je voulais te dire un truc sur les bobs. Pourquoi il fallait du bob mais qu'à mettre du verglas ? Alors ça glissait super vite. C'est même dangereux. Hein. Et tu vois, t'as un peu quoi de verglas ? Pourquoi il a essayé ? On va refaire sur la neige. Si moi un coup mon frère il a descendu, il y avait des bosses, il a descendu vite avec ses bosses. Donc que du bob. Et Zinedine ? Ah, Zinedine se réveille. J'ai cru que t'allais tomber sur... Bang. Hein ? T'étais plus avec nous, là ? Oui. Oh, pas trop, hein. Zinedine, est-ce que tu as déjà fait du ski ? Non ! Non, mais t'es pas obligée de hurler, tu vois. Donc tu parles doucement. Est-ce que tu as déjà fait du bob ? Non. Non ? Rien du tout. Rien sur la neige ? Si. Si, à quoi alors ? Pierre. Bah t'as des boules de neige. Oui. Ah oui. Un bonhomme de neige. Eh ben il va falloir y remédier. Hein. Et t'emmener faire du bob ou du ski. Non. Oh, sans comment moi ça ski, hein. Non. Sans moi le ski hein. Sans toi le ski. Oui. Faire du bob. T'arrives pas. J'arrive pas. Je suis croûté une fois. Non. Tu t'es croûté une fois. Ah, t'en as déjà fait une fois quand même. Ah ouais. C'est... Et t'es tombé. Ah ouais, j'en ai eu marre. Puis moi aussi j'avais tombé. Moi, faire du bob, c'est mieux le bob. Moi, oui, Timothée. Moi, j'en ai déjà fait un du bob, Christophe. Moi, faire le bob, c'est mieux, hein. Pour rigoler avec le bob. Et le ski, non. Non. Et Camille ? Non. Non plus. Et toi, Corinne ? Oui. Zinedine, il faut essayer hein, le bob. Comment non bah, si, ah, c'est une luche et va monter aux pistes de ski, hop. Bon, en même temps, Zinedine, tu peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Pourquoi tu dis non, si ça se trouve, ça te plairait. Non. C'est bien le bob. Non. Si. Si c'est bien, on t'emmènera, t'inquiète pas pour les vacances, on t'emmènera. Non ! On montrera une piste de ski. Zinedine, déjà, tu parles moins fort, et d'une manière comme d'une autre, tu n'auras pas le choix. Oh. Tu devras suivre le groupe. Moi, de Kung Fu, moi ! Tu vas faire quoi ? Toi, de Kung Fu, toi ! Mais tu sors du Kung Fu, toi ! Ouais ! Voilà ! Du Kung Fu ! Oui ! Mon pauvre petit, tu fais pas le poids. Une poêle à frire sur la tête et bam, KO. Oui, bon, c'est bon. Bam. On continue sur la neige. Allô ? Comme moi, un coup, j'en avais fait et j'ai tombé, je me suis remis debout. Ouais. Ben alors, Juju. On avait parlé aussi du patin à glace. Anna, courir. Anna. Je suis nulle, j'aime pas ça, je suis nulle. Est-ce que vous pouvez arrêter là de... Je sais pas ce que vous faites là, mais ça ressemble pas à... Ouais, c'est gay, moi. Moi, il y a patin. Je veux te dire que j'ai. Quand j'arrivais à faire du patin à glace, mais maintenant, j'arrive plus. T'arrives plus ? Non. Personne n'est allé à la patinoire. Si, moi, un coup, j'ai déjà été. Pas tous en même temps. Moi, un coup, j'ai déjà été, c'est une soirée mousse avec ma soeur à la pénale. Une soirée mousse ? Oui, j'arrêtais pas de tomber. C'est à la patinoire. Eh, Viana, c'est quoi une soirée mousse ? Ben voilà, la question. Est-ce que tu peux expliquer à Christopher ce que c'est une soirée boisson ? Une soirée mousse. Il y a une musique et il y a plein de mousse. C'était à la patinoire. Et j'arrêtais pas de tomber. La mousse sur la glace. Alors, du coup, ma soeur, elle m'a tenue. Même ma soeur, elle arrivait même pas. Du coup, c'est mon frère qui nous a tenus. Oui. Et moi, je suis allée avec ma mère à la patinoire, je suis tombée, hein. T'étais qu'une fois ? Ouais, c'est tombé. Bah oui, il aurait fallu y retourner plusieurs. Oh non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça ? Ah non, je vais croûter à chaque fois. Non. Ça te croûter à chaque fois. Oh, fais plusieurs. Timothée, t'aimerais bien faire du patin à glace ? Ah non. Non plus ? Non. Moi aussi. Et toi, Corinne, t'arrives ? Moi, j'en fais pas. Ça, c'est pas un truc qui m'attire. Moi, j'ai jamais allé. T'es jamais allé ? Oui. C'est gay ? Aidez-moi. Aïe. Il est tombé, c'est oui. ça T'es tombé. Oui. Ok. Mais oui. Est-ce que tu as aimé faire du patin ? Non. T'es pas obligé de te fâcher, Zinedine. Moi, je voulais deux patins. Donc, c'est patin, moi. Est-ce que tu crois que tu pourras continuer là, la technique si t'es pas capable de modérer ton taux de... Ouais. Hein, les décibels, là, ça... Ouais, on parle doucement, Zinedine, il faut pas te fâcher, hein. On n'est pas là pour te fâcher. Oui, c'est nagué pas, t'as pas ta voix. C'est non, moi. Alors, Zinedine, soit il rit, soit il crie, hein. On dira un motard. Oui, Steven. Je te dis, moi, je voudrais aller à la patinoire. Toi, tu voudrais y retourner. Oui. Mais il faut le dire à Nounou. Ouais, mais j'arrête pas de tomber, alors. Oui, mais c'est en y allant plusieurs fois, encore et encore, qu'on tient de mieux en mieux sur ses jambes. J'arrivais avant et puis maintenant. Ah, bon. J'arrivais à faire des dérapages. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très attiré par la neige quand même. Hein. Si. Le bob, ça compte. Si le ski, la bob, les raquettes, mais pas la patinoire. La raquette, c'est facile, la raquette. Hein. Et bataille de boules de neige, un soir. Bah oui. Il y a la raquette aussi, oui. Qui c'est qui a déjà fait de la raquette ? Moi, avant. Avant ? Moi, j'ai pas fait. T'as jamais fait ? Ah, mais de la raquette, je vois comme ça. Ouais. Camille, t'en as déjà fait ? Ouais, c'est pas dur. Sinon. Oui. J'ai déjà fait, c'est facile. Ouais, et Timothée ? Non. Tu as déjà fait de la raquette ? Moi ? Oui. Non. De la raquette, pas celle-là, hein. Oui. De la raquette au pied. Non. Que tu mets sur tes pieds puis tu marches avec de la neige. Tu marches dans la neige. Je cours. Ah oui, celui-là. Mais courir. Les grandes ou les petites. Mmh. Tu vois ce que c'est ? Ouais. Alors, est-ce que tu en as déjà mis au pied ? Oui. Tu étais dans la neige ? Oui. Et est-ce que c'était dur ? Non. Est-ce qu'avec des raquettes, on va sur les pistes ? Corinne ? Oui, on peut. Non. Non. Les raquettes, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller dans les endroits un peu sauvages. C'est pas la montagne. Mais c'est pas des raquettes comme ça, c'est des raquettes au pied. Si vous parlez tous en même temps. Demandez, est-ce que c'est des raquettes on met des tennis, on met sur les pieds là. Non, c'est sur les pieds pour que tu marches dans la neige. Me dire, parce que moi je crois que c'est des raquettes de tennis. On te l'a dit en plus. Des raquettes de tennis au pied. Voilà. Christopher vient d'inventer un concept. Les raquettes de tennis. T'es faut que j'essaye les raquettes de tennis. Les raquettes de tennis pour mettre les pieds. Alors toi, c'est bon pour les raquettes, le ski, la neige, machin. On passe à la deuxième chanson. C'était qui ? Moi. Steven qui l'avait choisi. C'était quoi ? Eh ben vous allez découvrir. Les raquettes de tennis. Écoutez. Des raquettes. C'était la fête ici, hein? Hein? Une copine panache, hop! Un panache? Il manquait un panache. Un panaché! Ouais, voilà. Pas d'alcool, hein? Non. C'est sans alcool, ça. C'est sans alcool, la radio? Ou sinon, les bières sans alcool? Et bien, non, ben on boit pas quand on vient à la radio. Oui! Pourquoi tout le monde là? Parce que autrement, les auditeurs, ils vont croire que quand on vient ici, il y a des bouteilles sur la table. La dérisa. Attention, oui. Hein. T'as pas bu de café aujourd'hui? Si. Toi, t'as gros de boire. Non, mais c'est un café. C'est hein? Pas de l'alcool. Hey, Steven. Alors. Vous comptez combien de fois qu'on a bu un café? 20 fois. Bon, on passe à autre chose. Alors, trois petites questions. Pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps. La première. Le rhume. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Zinedine à la technique ce matin? Ah, il était trop génial, hein? Ouais, il était génial, mais sauf qu'il criait un peu, hein. Il crie un peu. Sauf qu'on avait un mammouth à côté. Il y avait quoi? Un mammouth. Un mammouth? Non, un lion. J'ai pas compris. Un lion à côté. À côté de qui? Là. Faudrait mettre un lion à sa place. Il criait comme un lion. Ah bah écoute Zinedine, hein, comme ça la prochaine fois ça se passera mieux. Camille, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Zinedine ? Bien. Bien. Timothée ? Bien, mais il criait un peu. Ah, tu vois, il faut... Parce que tu sais, quand je réécoute l'émission, moi des fois je fais ça. Il est tout rouge. Surtout quand vous riez tous en même temps, bah, dis donc les oreilles... Bah moi je fais un volcan avec ma tête, moi. Oui, donc tu as dit que c'était bon. Et toi, Steven ? Il craint un peu. Il craint un peu. Il crie un peu. Je me fais un café sur la tête, moi. Qu'on attend à quelqu'un crier. Tu veux dire, je me fais un café sur la tête, moi. Il est tout rouge. Hé, hey, Zinedine, attention, c'était pas un petit écoute. Attendez, s'il vous plaît, on va laisser un peu la parole à Zinedine. Alors, comment c'était pour toi la technique ce matin ? Bah, voilà. Bien ou... Pas bien. Pas bien. C'est... Ça t'a plu ? Ouais. Parle dans le micro, Zinedine. Oui. Oui. Alors, tu préfères être à la technique ou avec les copains, là ? Là. À la technique. Oui. Attention, Zinedine, tu n'iras pas toujours à la technique. Eh oui, faut tourner, hein, c'est jamais les mêmes. Voilà. Fais peut-être pas le malin non plus. Chacun sa montre. Chacun son tour. La roue qui tourne, Zinedine, je pense. Et toi, Diti ? Oui, on arrête là, c'est bien. Hein. Donc c'est bien, Zinedine, ça s'est bien passé. Ouais. Mais heureusement que tu étais assistée quand même. Parce que les boutons, tout ça, tu sais, il faut apprendre à gérer, à reprendre la parole, à lancer les chansons. Hein, Zinedine ? Moi, j'ai un poteau. Voilà, il ne s'agit pas que de faire le clown. Voilà. Chut, s'il vous plaît. Elle est au cinéma. Voilà, bon, on passe à la seconde petite question. Le rhume. C'était quoi ? On le sait, Corinne, elle avait expliqué. Non, je voulais parler à Timothée. Timothée, est-ce que tu trouves que ce matin, tu es beaucoup intervenu ? Oui. Oui. Ben, moi, je trouve qu'au fil des émissions, tu en dis de moins en moins. Alors que l'année dernière, en début d'année, tu disais plein de choses intéressantes, tu as des connaissances en plus, tu peux nous dire des choses bien, autant pour tous les autres. Et là, pouf, nous avons un Timothée éteint. C'est pas un bavard, ça veut dire. S'il vous plaît. La seule chose, c'est que tu es réveillé quand il y a les chansons qui passent. Là, c'est bien. Mais alors, quand il y a les échanges de paroles et tout, il n'y a plus de Timothée. Ou alors, tu ne sais pas, j'en sais rien. Oui. Alors, est-ce que tu es prêt, Timothée, là, tu vois, tout le monde entend, à te réveiller et à participer davantage aux prochaines émissions ? Oui. Oui ? Ok ? Parce que Zinedine, tu vois, c'est difficile aussi pour lui de participer. Il y a le langage et tout, mais il fait beaucoup d'efforts pour se faire comprendre, pour essayer de, d'apporter quelque chose à l'émission. Mais Timothée, hein ? Tu es d'accord ? Oui. Voilà. Donc la prochaine fois, on compte sur toi. Vendredi, quand on prépare l'émission, tu nous apportes des sujets ? Oui. Voilà, parce que là, on est quand même qu'au mois de janvier, et si tu restes comme ça, endormi jusqu'au mois de juillet, Voilà, donc on compte sur toi. Et la dernière question. Ben vas-y, Christopher, t'avais annoncé. Le rhume. Ben, est-ce que c'est une question, le rhume ? Non. La toux. La toux. La toux. C'est quoi la question ? Qu'on est malade. Juliana, elle tous. Ok, elle est deux malades alors. C'était quoi la question ? Pourquoi on est malade ? Pourquoi on tousse ? Non. Je sais pas, moi j'ai mon casque. Et si vous avez remarqué qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens malades. Ah. Autour la gastro ? De vous. Non, c'est pas la gastro. C'est la grippe, des toux, de la fièvre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? faut aller essayer de mettre médecin. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est malade? Il faut aller voir le médecin. L'hôpital. Vas-y. Il faut aller voir le médecin. Voilà. Qui te donne une ordonnance. Et tu vas à la pharmacie et pour acheter du sirop. Oui, tout ça, oui, ça c'est bien. Mais par contre, si on est malade, qu'on a un traitement et qu'on vient à l'établissement. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis des autres? Il faut prendre le traitement avec. Non, il faut éviter de toucher l'autre. Bah, il faut souvent se laver les mains, oui. Et puis quoi? Ah oui. Se moucher le nez. Bah, c'est mieux, oui, de se moucher, ça c'est sûr. Se laver les mains ensuite. Mais quand on tousse. Autres. Mettre la main dans la bouche. Dans la bouche? Non, devant. Devant la bouche, Corinne. Devant la bouche. Alors, est-ce qu'on met la main devant la bouche? Oui. Et comme ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça. Non, Christopher. Comme ça? Comme ça. Ben, ce matin, moi, j'en ai vu un du groupe qui l'a fait. Eh bien, c'était Jason. Parce que vous, vous êtes toujours, oui, la main devant la bouche, alors qu'on ne fait pas ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on va donner le micro aux autres. Voilà, si vous toussez dans vos mains et après vous allez serrer la main de quelqu'un, ben ça y est, c'est bon. Ou sinon, on se retourne. Donc, on tousse où? On se comme retourne. Comme ça, Corinne. Voilà, c'est mieux de se tousser, de tousser dans son bras que de tousser devant une personne où tu fais ça, il y en a un qui est derrière. Après l'autre, il est pas. Voilà. Donc, pour éviter de contaminer tout le monde, on tousse. Dans le bras. Voilà. Oh, l'IME, c'est super sécurisé, l'IME. Hein. Quand les étés sont malades, les adultes. L'IME, c'est super sécurisé. Alors, quand les étés sont malades, hein. Ben oui, nous, ça nous arrive d'être malades. Et à ton avis, pourquoi? Hein? C'est nous, ou ça, vous savez. C'est la crème. Pour ceux qui nous font. en pleine figure. Oh, les sages qui étaient malades, hein. Qui étaient malades, bien, Corinne. Hein. Et qui se lavent pas les mains. Alors, qui était venu quand elle était malade? C'était toi, Corinne, qui était venue quand oui, mais moi, attention. Moi, c'était pas du tout... regarde, Juliana, elle est couchée sur... Non, moi, c'était pas fatiguée. C'était pas ce que Juliana est là. Moi, c'était une toux sèche. Et c'était pas contagieux. Mais attention, la grippe là, dont on parle actuellement et qui arrive à grands pas, celle-là, elle est contagieuse. Hein. Corinne. Alors toi, va voir, mais ça nous amène un truc pour la grippe. Non, mais moi, j'ai eu pas la grippe, là. Corinne, je sais pas. Oui. Je suis pas fatiguée, c'est parce que je m'ennuie. Parce que, ah, tu t'ennuies. Tiens, de la musique. Ah, ouais. Alors, tu parles, et puis en même temps, t'es couchée sur la table. Hé, hey, Juliana, tu sais, là, on va pas t'entendre, Juliana. C'est que je m'ennuie. Hé, hey, Juliana, tu veux un oreiller? Tu veux un oreiller? Une couverture, un berceau, un café. Tout. Allez, redresse-toi, Juliana. Hey. Alors, vous savez, il est 53. La dernière chanson, ça me paraît... Elle est longue. 4 minutes. 4 minutes, la minute. Pour faire passer le réfléchir, je crois. On peut en passer la moitié. Allez, oui. Juliana, pour toi. Tissi. Ça va. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou. Sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui. Une vie de route, sur ma route, oui. fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, merci Christophe de sonner le glas. Bon, bah voilà, t'en as eu une bonne partie de ta chanson. Voilà. Hein? Alors Timothée était très réveillé, hein, bien sûr, une fois de plus. Et là, pouf. Hein? Oui. Alors Timothée, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer l'émission? Bah que je suis content. Tu es content de quoi? De la musique, de tout. De tout? Oui. Oui, mais je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs? Bah... Est-ce que tu as un petit message à passer, ou je sais pas moi? Prenez bien soin de vous. Oh bah ça c'est gentil, Timothée, hein. C'est sympa pour les personnes, hein. Mmh. Hein, trouvez pas? Ouais. Prenez soin de vous. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Zinedine est d'accord, hein. Oui, moi aussi. Oui. Oui, tu es d'accord? Oui. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord, Corinne. Ok, bah écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine avec les mêmes personnes. Peut-être Nicolas, si Adrien peut l'accompagner, ça on sait pas. Et dis, de voilà, des gros cafés, dis, des gros cafés, dis. Tu bois le café? Toi. Allez, on va boire deux cafés. Il y a Nicolas, mais il a pas trouvé un sens au mystère. Oui, mais parce que le but, c'est que plus tard, ils viennent à l'émission. Ah. Voilà. Donc, on remercie tout le monde. Merci, oui. Zinedine, pour ta prestation. Et merci aussi, hein, à la technique. Ainsi qu'aux deux personnes qui t'accompagnaient, heureusement, je dirais. Hein. Coucou, hein. Et puis, bonne semaine à tous. Oui, au revoir. Bonne année. Au revoir. Bonne année. Bonne fin à tout le monde. Bonne année. La micaouette me fait la tête. La petite Noé ne veut plus me parler. Ca-Noé. La mi-ca-o, ma mi-ca-o. Ca-ca-o. La petite Ramel m'est infidèle. Ca-wa-mel. Monsieur Hannibal me mine le moral. Ca-li-ba. Mamselle, son long me traite de con.